AXA, premier assureur des pros. Tenons, mortaise, onglet, elle travaille le bois. Moi, j'y comprends rien, mais tant qu'elle se blesse pas... Soutenir sa fille, pour Thierry, ça va de soi. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le cours de l'histoire avec une histoire LGBT+, une histoire qui nous conduit d'un genre à l'autre, une histoire de transgression. Parce que qu'est-ce que le genre? Quand il est qualifié d'humain, le genre désigne l'ensemble des êtres humains sans distinction, c'est le genre humain, c'est très simple, mais très vite, tant en grammaire que dans la société, le genre conduit à des catégories qui reposent sur la distinction dite naturelle, c'est ce qui apparaît comme vocabulaire, distinction entre les sexes avec des critères formels. Laissons la parole aux biologistes. Peut-on dire que la biologie féminine soit comme une introduction à la psychologie de la femme? Cela est probable. Il y a sans doute des différences psychologiques essentielles qui relèvent des différences physiologiques. Et pour nous en convaincre, il n'est que de comparer une poule et un coq dont les instincts ne sont pas les mêmes. Mais je vous avoue que chez l'homme, je serai extrêmement circonspect dans cette question. Car il est très difficile de faire la part des influences physiologiques et des influences éducatives. Un petit garçon et une petite fille sont différenciés artificiellement par le langage qu'on leur parle, par les vêtements, par les livres qu'on leur donne à lire, par l'image que leur renvoie le miroir, par l'idéal qu'on leur propose. Ils se savent garçon ou fille, ils se pensent en tant que garçon ou fille, ils se construisent en tant que garçon ou fille, comme dirait Sartre. Et pour ma part, je n'oserais pas décider si tel trait de comportement ou de psychisme tient à l'action pure des hormones ou à l'action purement éducative du milieu. Jean Rostand, biologiste, écrivain, académicien en 1952, réfléchit à la psychologie féminine. Et puis, eh bien, il le dit, il ne peut pas savoir si ce sont des hormones ou si c'est une éducation. Gabriel Houbre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le genre? Comment peut-on définir le genre? Alors en fait, selon les disciplines, on ne définit pas le genre de la même façon. En histoire, la tradition est de s'inscrire dans la pensée de John Scott, l'historienne américaine, qui voit le genre comme une construction sociale et culturelle des sexes. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a du vocabulaire ici à manier, avec précaution, il faut le dire, hein, parce que dès qu'il est question de genre, une lecture extrêmement simple et qui a tenu pendant longtemps est une histoire de sexe. Il y a une kikoutou, il n'y en a pas, on a un garçon ou une fille. Bonjour Sylvie Stenberg. Bonjour. Alors quelle définition vous donneriez-vous pour compléter celle de Gabriel Houbre sur ce qu'est le genre? Pour compléter... Non, il n'y a rien à compléter parce que c'était très clair. Oui, c'était extrêmement clair. Donc, en effet, on a des traditions, disons, assez différentes, pas seulement suivant les disciplines, mais aussi suivant les auteurs auxquels on se réfère. Donc, y a une somme de propositions, en réalité, de définition du genre, qui mettent l'accent sur tel ou tel aspect. Bon, pour simplifier, je reprendrai ce que vient de dire Gabriel Houbre, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une construction. Et ensuite, cette construction, elle peut être sociologique, elle peut être historique, elle peut être psychologique. Et puis, on peut la qualifier différemment. Donc, pour Pierre Bourdieu, il s'agit de qualifier la domination masculine. Pour Françoise Héritier, il s'agit de décrire la valence différentielle des sexes. Bon, voilà, c'est pour Irène Théry, il s'agit de comprendre la manière dont le genre masculin et le genre féminin sont relatifs l'un à l'autre, hein, sont relationnels, en s'inspirant des travaux de Marilyn Strathern. Voilà, il y a différentes façons, disons, de creuser cette question de la construction. Gabriel Houbre. On peut peut-être juste citer quand même Judith Butler, qui évidemment est un nom de référence et qui a lancé cette théorie qui est reprise aujourd'hui par les queers, hein, de la performativité du genre. Hein. Qui dit que chaque individu, en fait, répète incessamment un rôle social, pour aller vite. Peut-on dire que dans cette longue histoire, la réflexion sur le genre arrive à se distinguer d'une réflexion sur le sexe de manière, en fait, assez récente? Pour le dire autrement, est-ce qu'une lecture d'une société entièrement construite d'hommes et de femmes a toujours été la règle? Avant, c'était aussi clair que ça, hommes, femmes? Alors, si on prend comme référence la période qui m'est chère, c'est-à-dire l'époque moderne, les choses se présentent de façon un peu plus, assez différente. En réalité, le mot genre existe. Le mot genre existe pour désigner la grammaire, mais pas seulement, pour désigner aussi le masculin et le féminin. Et donc, si on prend la pensée médicale, physiognomonique, théologique, qui court en gros jusqu'au milieu du XVIIe siècle, le néoscolastisme par exemple, on a un système qui est assez différent. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce que les médecins, les physiognomoniques, les juristes, les théologiens, etc., appellent le sexe. Et le sexe, c'est l'instrument de la procréation. L'instrument de la procréation, ce que Dieu a voulu que les hommes procréent. Et c'est ça qu'on appelle le sexe. Et puis ensuite, il y a un genre masculin, un genre féminin qui se distingue de façon très, très différenciée par des caractères physiques et des caractères moraux et intellectuels. Donc les femmes sont prudentes, timides, modestes, etc. Mais physiquement, elles sont aussi normalement froides et humides, donc blondes, blanches, grasses, petite, etc. Donc ça, c'est, ce qu'on pourrait appeler le portrait générique du genre masculin, du genre féminin. Et puis, évidemment, le genre masculin s'inscrit exactement en miroir. Mais il y a aussi une gradation. C'est-à-dire que suivant les tempéraments des personnes, suivant aussi leur éducation, on peut aussi considérer que, et les médecins, ça importe beaucoup aux médecins pour soigner les patients en particulier, de savoir quel est le tempérament de telle ou telle personne. Suivant son tempérament, on peut être plutôt masculin ou plutôt féminin. Si on est une femme, par exemple, et qu'on est grande, brune, sèche, courageuse, on est une virago, on est quelqu'un de viril. Et puis, on peut aussi classer les individus en fonction de leur âge, par rapport à cette même théorie qui est la théorie des humeurs, des tempéraments, etc. Et puis, en fonction aussi de leur catégorie sociale. Donc, c'est un système qui, en fait, est beaucoup plus compliqué, on va dire, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments que nous, on appellerait des caractères sexuels secondaires, le fait d'avoir des seins, le fait d'avoir du poil, qui en fait ne découlent pas directement de la conformation sexuelle, du sexe, mais qui peuvent être en réalité liés à un tempérament précis. Sylvie Stenberg, vous êtes historienne, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste, vous l'avez dit, de l'histoire de la sexualité à l'époque moderne, la Renaissance et ce qui s'ensuit. Et pour illustrer ce que vous venez de dire, une interview de 1969 qui s'intéresse à une personne hermaphrodite. Hermaphrodite, questionnement de sexe, et puis là, du point de vue anatomique, mais avec tous ces éléments, toutes ces réflexions que vous nous avez apportées. Il y a déjà quelque temps que je connais cette personne. Et je l'ai connu avec plusieurs périodes. Ceci m'a toujours un tout petit peu gêné. Je me souviens, un jour, je lui ai écrit « Cher monsieur », très simplement. Oui. Et il m'a répondu « Alors, vous avez tout oublié. Appelez-moi madame. Mais si vous le voulez bien maintenant, laissons parler cette personne. » Ma personnalité s'est naturellement développée, mais je ne me connais pas moi-même. Je me souviens évidemment de ce qui était écrit sur le temple de Delphes, et qui demeure l'exemple de la sagesse grecque. Connais-toi toi-même. Comme s'il y avait une sorte de bascule en moi, il est des moments où je me sens très femme, avec une sensibilité à fleur de peau, avec des besoins de douceur et de tendresse, et d'autres moments, lorsque la bascule voit son fléau pencher de l'autre côté, je me sens des appétits plus violents, une ardeur combative et le désir, je dirais, plus le besoin de conquérir. En 1969, interview d'une personne hermaphrodite, ainsi que l'émission Gros Plan sur l'Île-de-France présente cette personne. Gabriel Houbre, dans ce qu'on vient d'entendre, il y a quelque chose d'intégré. C'est que au moment où cette personne se dit sensible, elle se considère féminine, et où elle se sent guerrière, elle se considère masculine. C'est-à-dire que tout doit être sans cesse contextualisé. Là, on est en 1969. C'est ce paradoxe, en fait, entre une vision que l'on nous impose ou que l'on s'est construite, hein, de dire c'est la nature, c'est le sexe, c'est ainsi. Et puis la nécessité sans cesse de contextualiser chaque propos, chaque destin qui peut nous intéresser dans cette réflexion sur l'histoire du genre. Oui, alors le terme d'hermaphrodite est le terme qui est vraiment utilisé, hein, c'est le vocable qui est systématiquement utilisé lors de l'époque moderne et au XIXe siècle encore. Aujourd'hui, le terme serait stigmatisant, hein, on parlerait de personnes intersexes. Voilà, je voulais que les choses soient bien claires là-dessus, mais donc on va l'utiliser parce que nous sommes historiens, historiennes, donc pour la période moderne et pour le XIXe siècle. Et pour faire aussi le lien avec ce qu'a dit tout à l'heure Sylvie Steinberg, je voudrais revenir à un ouvrage qui certainement est important dans cette optique, qui est l'ouvrage de Pierre Roussel en 1775, « Système physique et moral de la femme », qui est un ouvrage qui cherche justement à affirmer une nature féminine dont on n'est pas encore complètement sorti et dont l'obsession va être de différencier complètement la femme en tant qu'archétype de l'homme. Et parmi donc toutes ces différences, vous avez des différences à la fois physiques, biologiques, physiologiques, et puis des ce qu'il appelle le système moral. Aujourd'hui, on dirait ce qui va conduire au rôle social des femmes dans la société, et donc en gros, être épouse et mère. Et donc tout ce distinguo va se faire à partir de caractéristiques physiques spécifiquement féminines, l'utérus, notamment la matrice, et la capacité des femmes à être enceintes et donc à porter les enfants. Et donc, on va passer de quelque chose qui est l'aptitude des femmes, justement, à pouvoir être mères, à elles ne doivent que être mères. C'est là, en fait, parce que personne ne conteste la possibilité des femmes à avoir des enfants. Ce qui est plus contestable, c'est qu'on veuille les enfermer, stricto sensu, dans ce rôle de maternité. Et ça, c'est aussi l'histoire du genre, c'est le regard porté sur le genre avec, c'est vrai que dès qu'il est question d'hermaphrodite, Sylvie Steinberg, toute une fascination qui frôle le voyeurisme aussi. Oui et non, c'est vrai qu'il y a, je reviens à l'époque moderne, il y a évidemment une reviviscence de la fable de l'androgyne, il y a des représentations de ces hermaphrodites, là aussi je mets des guillemets, mais en même temps il y a une vraie théorie médicale qui se développe, hein, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, qui essaye quand même de par observation, disons, de caractériser les personnes. Donc on peut pas dire qu'on soit entièrement dans la mythologie, disons, à très long terme, hein. Alors ce qui est intéressant et pour qui va dans le sens de ce que vient de dire Gabriel Houbre, c'est que la théorie médicale sur l'hermaphrodisme au XVIe, XVIIe siècle, elle est héritée, hein, d'un certain nombre d'écrits médicaux de l'Antiquité pour lesquels on a une révérence très importante, avec une catégorisation en quatre types d'hermaphrodisme, etc. Et que les réflexions des médecins au XVIIIe siècle vont vers une remise en question de ces catégories, et on a, disons, à la fin du XVIIIe siècle, une théorie suivant laquelle, au fond, l'hermaphrodisme humain n'existerait pas et que la seule forme d'hermaphrodisme qui existerait serait le fait d'être une femme avec un clitoris démesuré. Hein. Donc ça va aussi dans ce sens qu'on observe à la fin du XVIIIe siècle, d'une bicatégorisation de plus en plus avérée, disons, hein, au détriment finalement de tout ce continuum et de toute cette diversité, disons, qui pouvait être pensée auparavant. Le « auparavant » nous intéresse aussi dans le cours de l'histoire sur France Culture. Avec nous aujourd'hui, Clovis Maillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien médiéviste, enseignant à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Dites-nous, dans cette histoire du genre, et on devrait dire des genres, vous avez écrit « Les genres fluides » de Jeanne d'Arc au sein trans. Peut-on dire que, par le passé, avant ce XVIIIe siècle que nous évoquions, où les genres ont tendance à se figer, il était possible d'être ni homme ni femme. On pourrait penser aux eunuques ou à d'autres personnes dans la société où c'était pas une évidence d'être homme ou femme. C'est difficile de faire un propos général sur une période aussi longue, mais ce qui est sûr, et je rejoins ce qui vient d'être dit auparavant, c'est qu'il a fallu beaucoup de temps pour que s'impose l'idée qu'il n'y avait que des hommes et que des femmes, et que le monde était divisé en ces deux catégories. Ce qu'on peut dire, parce qu'il y a beaucoup de situations différentes dans la période médiévale, il y a beaucoup de régimes de genre, comme les a appelés Didier Lett, c'est-à-dire des situations de genre et de sexe qui sont situées dans l'espace et dans le temps. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait en tout cas une variabilité des manières d'habiter le genre ou les genres. Donc pour ne prendre effectivement que cet exemple, et pour revenir sur ce qu'il vient de dire sur les personnes intersexuées, pendant toute la période médiévale, on voit toujours le droit romain qui s'applique et qui reconnaît en fait l'existence de ces personnes intersexuées et qui en revanche leur demande de se comporter socialement en tant qu'homme et en tant que femme en fonction, disent les textes, du sexe qui domine chez elles ou chez eux. Donc on a la conscience en fait qu'il existe un peu plus que des hommes et des femmes, mais qu'on va accorder des droits aux femmes et aux hommes et qu'on va demander aux personnes de se comporter de cette manière-là. C'est aussi la raison pour laquelle on a un certain nombre de documents qui nous présentent des personnes que les juristes, les juges ont du mal un peu à catégoriser dans ces deux zones qui paraissent pourtant aussi étanches aujourd'hui, qui sont la catégorie d'hommes et la catégorie de femmes. Les juristes, évoquez-vous Clovis Maillet, mais il n'y a pas que, et dans les gens fluides de Jeanne d'Arc au sein trans, il y a aussi les hagiographes, ceux qui écrivent les vies de saints, et c'est une approche vraiment pertinente d'étudier par ces vies de saints, de saintes, cette question du genre. Comment avez-vous procédé ? Eh bien, il y a peut-être deux manières d'en parler. Alors, la première, c'est que mon premier constat, c'était d'essayer de montrer quelles étaient les spécificités de cette époque-là, qui, disons, sur l'histoire générale, apporte un moment qui est quand même relativement rare historiquement, dans lequel on a un certain nombre d'exemples de personnes qui changent de genre au cours de leur vie et qui existent dans un nombre de sources assez variées et qui sont des personnages auxquels on voue un culte. Alors que dans d'autres périodes historiques, disons qu'on avait eu plutôt tendance à étudier des personnes qui étaient plutôt stigmatisées pour leur difficulté à rester dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Donc c'est ça que moi j'ai appelé avec d'autres personnes la sainteté trans, qui sont effectivement ces figures de personnes extrêmement valorisées dans la société, dont certaines ont eu une existence historique, d'autres sont sans doute des créatures de papier, mais que l'on révère notamment et parfois essentiellement pour le fait qu'ils ont dépassé leur genre assigné à la naissance. Et puis l'autre façon effectivement de le présenter, c'est de dire que ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est d'essayer d'ajouter un petit peu à beaucoup d'autres travaux de collègues qui avaient été faits auparavant, mais des manières de penser comment est-ce que dans cette société, progressivement, on avait construit un système de genre, mais qu'il était au départ beaucoup plus instable, qu'il était différent dans l'Empire byzantin, notamment où on reconnaissait l'existence des eunuques, et dans les royaumes latins dans lesquels il n'y avait pas ce troisième genre ou ce troisième sexe qui était celui des eunuques, et de voir comment on arrive progressivement en fait à ce système bicatégorisé qui nous est aussi familier aujourd'hui. Parce que c'est très étonnant de voir que ces genres fluides se retrouvent dans les vies de saints, et vous le soulignez avec justesse, Clovis Maillet. Là, nous sommes vraiment dans la personne révérée, et parfois vox populi, quoi. Ce n'est pas l'institution qui met en avant ces personnes, c'est simplement la population qui reconnaît leur mérite. Vous pouvez nous en présenter. Alors moi, j'ai regardé dans votre ouvrage, et étonnamment, on voit bien que nous sommes sur des narrations qui sont très anciennes. Dès le 4e siècle, on trouve des vies de saints qui ont changé de genre. Oui, voilà, et c'est surtout effectivement un modèle de sainteté qui apparaît dans les premiers siècles du christianisme, et qui va continuer à être efficace, mais disons peut-être de moins en moins efficace au fil du Moyen-Âge. Donc je peux vous prendre un exemple en particulier, qui est celui sur lequel je travaille en ce moment, qui est donc un personnage qu'on a longtemps cru être un personnage uniquement littéraire, qui s'est appelé Eugène pendant une partie de sa vie, Eugénie pendant une autre partie de sa vie. Et donc je vous raconte l'histoire en quelques mots telle qu'elle a été racontée au 5e siècle. C'est une histoire qui se serait passée au 3e siècle, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui naît dans une famille romaine, qu'on appelle Eugénie. La famille romaine et sont le préfet d'Alexandrie, donc ils sont installés en Égypte. Et cette personne, considérée comme une jeune fille, rencontre deux frères eunuques, qui s'appellent Prote et Hyacinthe. Ils écoutent les chants des chrétiens et se convertissent tous ensemble au christianisme. Donc ces deux eunuques, Prote et Hyacinthe, et cette personne qui s'appelait Eugénie, changent de genre, devient un eunuque et se fait appeler Eugène, donc Eugénios dans les sources grecques, Eugénius dans les sources latines, et ils rentrent tous ensemble au monastère. Et ça marche tellement bien que le frère Eugène devient abbé de ce monastère, et finalement, suite à d'autres péripéties, donc accusé d'avoir agressé sexuellement une femme, et au moment de son procès, qui rejoue un petit peu l'accusation de la femme de Potiphar dans l'Ancien Testament. Au moment de son procès, le frère Eugène se fait reconnaître du juge qui n'est d'autre que son propre père et change de genre à nouveau, deuxième transition, et redevient une jeune fille et convertit ses deux parents et ses frères au christianisme. Puis il déménage à Rome et finit par fonder une communauté de femmes chrétiennes à Rome. Et donc meurt à Rome. Et ce personnage, donc voilà, sur lequel on a une hagiographie qui est assez extraordinaire et pleine de rebondissements, avait longtemps été pensé comme un personnage uniquement de papier. Mais ce qu'on a découvert un petit peu plus récemment, c'est que il y a au moins quelques éléments historiques en fait dans cette histoire, notamment parce que dans les catacombes de Rome, on a trouvé très tôt donc une catacombe qui était dédiée à cette sainte Eugénie, et on a même retrouvé donc les tombeaux de Hyacinthe, notamment le personnage qui est mentionné dans cette histoire, et qui est un tombeau qui est arrivé intact jusqu'au 19e siècle. Donc on ne sait pas exactement qui, quand, comment, dans quelles circonstances on a écrit cette histoire, mais ce qu'on sait, c'est que cette histoire est liée à des personnages qui sont des martyrs chrétiens, qui sont connus en tout cas très très tôt dans la société chrétienne romaine du 3e siècle. Eugène, Eugénie, nous avons ici dans l'existence d'une personne un changement de genre. Sylvie Steinberg, est-ce que c'est encore imaginable à la Renaissance, au 17e siècle, un changement de genre? Est-ce que ça peut être socialement accepté? Alors, non seulement c'est imaginable, mais ça existe dans les faits. Et donc là, on passe à une période historique où on peut documenter beaucoup plus facilement que pour la période que vient d'évoquer Clovis, où on peut documenter des itinéraires de ce type. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ces itinéraires, ils sont quand même très, là aussi, différenciés. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé sur ces questions, j'ai trouvé dans les archives, dans les récits de voyages, dans les récits de batailles, dans les recueils d'anecdotes, bon, dans toutes sortes de sources assez disparates, des traces d'environ 300 individus. Hein. Ces 300 individus, ce sont essentiellement des femmes qui prennent l'habit d'homme, bon, l'habit certaines pour vivre en homme, certaines simplement pour voyager ou pour se prostituer ou pour d'autres raisons, et puis certaines qui affirment qu'elles ont en effet une identité, ce que nous on appellerait une identité d'homme. Voilà. Mais par rapport à ces 300 femmes, je n'ai trouvé qu'une poignée, je ne sais pas, 5 ou 6, hommes qui ont eu de tels destins, dont certains sont très connus, comme l'abbé de Choisy ou le chevalier d'Éon. Et ce contraste est quand même très significatif, puisque, évidemment, le changement ne se fait facilement, apparemment, que dans un sens. Et là, on est quand même renvoyé à une asymétrie, je dirais aussi une hiérarchie, qui fait que pour une femme, eh bien, avoir un tel changement est beaucoup plus acceptable. Acceptable pour toutes sortes de raisons qu'on pourra développer. Une des raisons, c'est sans doute la référence culturelle que vient de mentionner Clovis Maillet, c'est-à-dire qu'il y a des représentations possibles. Quand on est dans cette situation, on peut se référer à des légendes, on peut se référer à des hagiographies, on peut se référer à des héroïnes, Jeanne d'Arc bien sûr, mais beaucoup d'autres. On peut se référer à des productions culturelles du type théâtre, les grands romans italiens aussi, Boiardo, Tasse, etc., qui sont adaptés au théâtre ou à l'opéra au XVIe, XVIIe siècle. On peut se référer même à la théorie médicale qui précisément à propos des hermaphrodites identifie un type d'hermaphrodisme qui serait la transformation des organes génitaux. C'est une histoire qui est racontée par Ambroise Paré et Montaigne à sa suite, en particulier celle d'une fille qui, en sautant un fossé, voit ses organes génitaux masculins sortir. Et là, on est en pleine théorie aussi des humeurs. C'est une poussée de chaleur et de sécheresse qui expliquerait le cas. Donc, on peut se référer à cela, et je pense que ça joue un grand, grand rôle dans ces itinéraires qui sont malgré tout assez tolérés. Bien sûr, on trouve ces femmes parce que elles ont parfois été arrêtées par la police, par des officiers si elles sont dans l'armée, retrouvées sur le champ de bataille décédées, etc. Mais il n'y a pas de réprobation évidente, et même il y a plutôt une exaltation de leur figure, tant sur le plan religieux que de plus en plus, évidemment, sur le plan militaire, etc. Voilà, ça n'est pas le cas pour les quelques hommes qu'on peut documenter, disons, pour cette période. Voilà pourquoi cette discussion sur le temps long est pertinente entre Clovis Maillet, historien médiéviste, Sylvie Steinberg, historienne moderniste. On met tout le monde dans des cases, mais en fait c'est une réflexion toujours sur le temps long. Et puis quant à vous, Gabrielle Houbre, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris-Cité, peut-on encore évoquer des changements de genre acceptés au 19e siècle, c'est-à-dire un changement de genre que la société peut admettre dans une catégorie particulière en référence à ce qui s'était passé auparavant? Alors il y a deux grandes catégories. Il y a la catégorie des hermaphrodites, où il peut y avoir des réassignations de sexe qui sont généralement demandées par les médecins, parfois par les personnes directement elles-mêmes, puisqu'en fait il y a des singularités, fort heureusement. Et ça se fait finalement assez facilement devant la justice. Le tribunal commet un ou plusieurs experts médicaux. Si tout le monde est d'accord, la personne est réassignée de sexe. Et une fois une période de raillerie, de stigmatisation, qui n'est pas facile certainement à vivre pour la principale ou le principal intéressé, les choses rentrent dans l'ordre. Puisqu'en fait, l'ordre social est respecté, on est dans la binarité, simplement, une personne femme devient homme, parce que c'est généralement dans ce sens que cela se passe. Et puis, il y a la question de ce qu'on n'appelait pas, évidemment, au XIXe siècle, des transgenres. Mais si le vocable n'existe pas, les comportements et les existences transgenres existent pour le coup. Alors c'est beaucoup plus difficile à découvrir au hasard des archives, parce que les médecins ont beaucoup documenté les hermaphrodites. La figure hermaphrodite les passionne. Donc on a des centaines de cas dans la littérature médicale. En revanche, pour finalement le plus grand bonheur, à mon avis, des trans, ils n'ont pas rencontré les médecins au 19e siècle, puisqu'en fait, les médecins ne commencent à s'intéresser au fait de se travestir à l'extrême fin du 19e, hein, c'est vraiment Hirschfeld à partir de 1914, hein, donc c'est vraiment l'entrée dans le 20e siècle. Et donc au 19e siècle, ce qu'on trouve, c'est souvent après la mort des individus, on se rend compte qu'ils n'étaient pas du sexe dans lequel ils ont vécu. Et ça, évidemment, c'est passionnant, c'est pas toujours facile à documenter, mais on en trouve, hein, de ces existences de personnes qui ont quitté, par exemple, femmes, parce que généralement, et là je rejoins Sylvie, c'est généralement des femmes qui prennent les habits d'hommes, et au 19e siècle, ça s'explique aussi parce que le statut social valorisé au 19e, évidemment, et pour toutes les raisons, c'est le sexe masculin, mais peut-être n'y a-t-il pas que ça à prendre en compte. Donc ce sont en fait des femmes qui partent de leur village, ce qu'il y a d'ailleurs de très intéressant, ce sont des femmes du peuple, souvent, qui font ça. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en histoire, pour aller vite, hein, l'agency, c'est-à-dire la capacité des individus à se créer des espaces de liberté dans une société qui, en fait, n'en a pas. Et donc, ces personnes quittent leur état de femme avec leur village, vont s'installer parfois pas très loin, il n'y a pas besoin d'aller très loin, à 30 km, en s'étant coupé les cheveux, en ayant pris des vêtements d'hommes, en faisant à partir de là des activités d'hommes. Donc là, on est bien dans la performativité au sens butlerien du terme, c'est-à-dire que voilà, la personne va dorénavant se comporter en homme. Et ça marche très bien, puisque parfois on ne se rend compte qu'à la mort de la personne, qui a pu pourtant se mettre en couple avec une femme, etc., on se rend compte qu'à la mort de la personne, que bah, il s'agissait en fait biologiquement d'une femme. Donc ça, on a, enfin, moi j'ai une vingtaine de cas là-dessus, par exemple. Je me tourne vers vous, Clovis Maillet, dans ce que nous disent Sylvie Stenberg et Gabriel Houbre à partir, on va dire, du 16e siècle. C'est vrai que la plupart des cas, ce sont des femmes, en tout cas des personnes assignées femmes, qui, au cours de leur existence, deviennent hommes. Dans votre étude, c'est aussi ces cas-là qui sont majoritaires? Oui, la hiérarchie des genres, comme le rappelait Sylvie Steinberg et Gabriel Houbre, fait que on conserve beaucoup plus en fait de documentation sur ce qui est perçu comme une forme d'élévation spirituelle, morale et sociale, qui est donc ce que nous on appellerait des parcours transmasculins, qui sont pensés comme des parcours d'élévation. Ceci dit, je voulais quand même revenir sur le fait que les parcours que nous on appellerait, disons, transféminins, hein, qui vont vers le féminin, ne sont pas absents, ils sont simplement plus sporadiques dans les sources. Et donc je voulais dire que par exemple pendant la période médiévale, plutôt à la fin de la période médiévale, on rencontre des cas parfois dans des archives judiciaires, hein, qui sont des personnes qui sont donc plus malmenées puisqu'elles sont arrêtées pour cela. Donc il y a deux cas très connus au XIVe siècle et qui ont fait couler beaucoup d'encre chez les historiens et historiennes médiévistes. C'est celui de Rolandina Roncaglia à Venise en 1355 et celui de Eleanor Ricoeur à Londres en 1394. Donc dans les deux cas, ce sont des personnes qui sont arrêtées pour l'activité de ce que nous on appellerait aujourd'hui le travail du sexe, à une période où cette activité n'est pas réprimandée, mais où en revanche on réprime la sexualité non conforme. Donc c'est ce qu'on a appelé, alors ce mot est aussi à mettre entre mille guillemets, le péché sodomite, qui punit toutes les relations sexuelles non conformes, dont font partie les relations entre personnes du même sexe. Et donc la question qui se pose dans ces deux cas, c'est bien de savoir si ces personnes sont des hommes ou des femmes, pour savoir si lorsqu'elles ont des relations sexuelles avec des hommes ou des femmes, ces relations sont conformes ou non. Et donc, je vous donne juste l'exemple, effectivement, de Eleanor Ricoeur, qui a été beaucoup commentée. Donc, on n'a pas la suite du procès, hein. On a juste, effectivement, les minutes qui sont écrites par le juge. Et donc, le personnage se présente comme s'appelant Eleanor Ricoeur, mais est aussi connu sous le nom de John Ricoeur et explique en fait face aux autorités que c'est une personne qui a des relations sexuelles avec des hommes et en particulier avec des prêtres, mais en tant qu'Éléonore, et donc que ces relations sont conforme effectivement à des relations hommes-femmes, mais que la même personne a aussi des relations avec des femmes et plutôt avec des bonnes sœurs sous le nom de John, et que donc ces relations sont également conformes. Et on ne sait pas quelle est l'issue de cette entrevue. On voit juste qu'effectivement là, ce qui pose question, ce n'est pas tant le changement de genre en soi que les conséquences que ça peut avoir sur la sexualité, et que le contrôle porte sur la sexualité plus que sur le genre. Et on a aussi un certain nombre de cas qui peuvent être parfois plus positifs dans la littérature à cette époque-là. Il prouve qu'il y a aussi un imaginaire parcours qu'on dirait transféminin, mais que celui-là n'est pas du tout situé dans les sphères de la géographie, mais plutôt dans les sphères du contrôle des comportements et du contrôle des sexualités. Ah, et contrôle des comportements, là on le sent bien, que sur un temps très long, il y a toujours cette réflexion sur le genre. Est-il imposé ou choisi ? L'abbé Choisy. J'avais dans mon cabinet beaucoup de beaux portraits. Je proposais à mes deux voisines de les faire peindre, mais à condition que Charlotte serait peinte en cavalier. Sa tante, qui mourait d'envie d'avoir son portrait, y consentit. Je voulus en même temps me faire peindre en femme, afin de faire un regard avec ma petite amie. Je fis venir Monsieur de Troyes, qui nous peignait dans mon cabinet. Cela dura un mois. Et quand les deux portraits furent faits, et dans de belles bordures, on les pendit dans mon cabinet, l'un après l'autre, et chacun disait... Oh, voilà un beau couple. Oh, n'est-elle pas jolie, notre Charlotte? Je n'ai point de vanité, elle est bien plus belle que moi. Ah, assurément, elle ferait un beau mari. Oh, il faudrait les marier. Oh oui, ils s'aimeraient bien. Ils échangent des regards comme deux tourtereaux. Qui se défierait de Madame de Sancy? Personne. Les mères en 1000 ans ne se défieraient pas de moi. Et je crois, Dieu me veuille pardonner, que sans aucun scrupule, elles me laisseraient coucher avec leur fille. Comment pourrions-nous le trouver mauvais? N'êtes-vous pas l'une d'entre nous? Les mémoires de l'abbé de Choisy en 1972 sur France Culture. Sylvie Stenberg, vous êtes l'autrice de La confusion des sexes, le travestissement de la Renaissance à la Révolution. Et ici, nous avons l'exemple avec l'abbé de Choisy, mais vous l'avez cité, il y a le chevalier Déon. Enfin, il y a quelques personnages comme ça qui ont beaucoup inspiré et dont la figure a été déformée sans cesse, mais qui reflète une certaine réalité. Ça rigole bien ici. Acceptation sociale aussi, parce qu'on est en marge peut-être. Alors oui, là on est en marge, on est à la cour, on est dans l'entourage de monsieur frère du roi, on est dans la haute, enfin dans le clergé. Oui, le libertinage, je veux dire, tolère un certain nombre en effet de jeux, de comportements, et ce que vient de dire Clovis est tout à fait vrai, y compris ensuite, c'est-à-dire qu'il y a une prostitution. Qui est vouée, on va dire, à ce type de jeu sexuel, hein, des prostituées hommes, des prostituées femmes, habillées dans l'un, l'autre sexe. Là, on est vraiment dans ce libertinage-là. Et bon, ce qui est intéressant chez Choisy, c'est que il a eu cette période de libertinage, et puis ensuite il est devenu un docte personnage, ambassadeur. Il a eu un destin tout à fait différent ensuite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a transposé littérairement ses expériences, non seulement dans des mémoires qui ne sont pas achevées, mais aussi dans un conte. Où, en effet, il met en scène un petit garçon que sa famille habille en fille et une petite fille que sa famille habille en garçon, et qui vont devenir amoureux, puis se marier. Bon, voilà, donc il y a tout un jeu, bien sûr, et ce jeu littéraire, il est relativement inoffensif, puisque, au fond... encore une fois, il y a des références littéraires constantes à l'époque moderne et surtout au XVIe et XVIIe siècle, des références constantes à la littérature chevaleresque. Et on a ça sur tous les théâtres, sur les scènes d'opéra naissantes, etc., etc. Voilà. Alors Choisy, la tolérance qu'il y a autour de lui est quand même très exceptionnelle. Parmi les cas que j'ai pu documenter, on a des choses qui sont beaucoup plus tragiques, hein. Et en particulier un chevalier de Bigorre qui est à peu près son contemporain, un peu plus tardif, qui s'appelle Pierre-Aymon Dumoret, et qui lui a été véritablement moqué toute sa vie. Il n'est jamais sorti de son village, moqué par les enfants, moqué par les paysans, moqué par les voisins, qui a eu un destin vraiment très très très très difficile. Il s'est mutilé lui-même les organes génitaux pour, dit l'avocat de son frère, parce que on le connaît grâce à une histoire de testament, d'héritage posthume, on le connaît vraiment de façon très indirecte, mais il s'est mutilé, en effet, pour devenir ce qu'il voulait être, ou ce qu'il pensait être, ou avait besoin d'être, je ne sais pas comment qualifier, on voit bien que la réprobation n'est pas du tout la même, hein, qu'à la cour de France. Voilà. C'est une histoire qui est obligatoirement sociale, voire politique, hein, cette histoire de genre, avec ici le discours médical qui prend le pas, Gabriel Houbre, au XIXe siècle. On a vraiment, dans une volonté de cadrer la société, de la normer, l'impossibilité d'imaginer tout cela, avec des cas, malgré tout, que vous avez pu étudier. Qui est Abel Barbin, ou qui est Adélaïde? C'est un personnage dont vous avez écrit ce destin assez particulier, avec, le titre est là, Les Devis. Alors, en fait, c'est Barbin lui-même qui a écrit sa vie, et c'est en cela, d'ailleurs, que ce texte est absolument remarquable, puisqu'il s'agit du premier manuscrit, de la première autobiographique écrite par un ou une hermaphrodite au XIXe siècle, au monde, me semble-t-il. J'ai pas d'autres exemples. Donc, pour le XIXe siècle, c'est un texte absolument remarquable. Et à l'état civil, Adélaïde Herculine Barbin, née donc fille à Saint-Jean-d'Angély, dans les Charentes-Maritimes, d'un père sabotier, donc milieu pauvre. Son prénom usuel est en fait Alexina, donc on la connaît aussi beaucoup sous cette identité. Et voilà, c'est une petite fille qui va perdre son père tout à fait enfant, à 6 ans. Et sa mère, qui doit travailler, la met avec sa sœur, parce qu'elle a une jeune sœur, à l'hospice, à l'orphelinat, pour pouvoir aller travailler. Elle va s'embaucher comme domestique à La Rochelle. Et là, Alexina va se faire remarquer très vite par les filles de la sagesse qui dirigent l'hospice, par sa grande intelligence et sa faculté à apprendre. On va la placer chez les Ursulines, qui est un ordre spécialisé un petit peu dans la pédagogie. Et là, elle va avoir la grande chance d'étudier auprès de jeunes filles de la bonne société de la Charente-Maritime. Et elle va devenir institutrice. Et lors de son premier poste, elle est envoyée à Archiac, près de Jonzac, dans les Charentes-Maritimes. Et là, elle va avoir une relation amoureuse extrêmement passionnée avec une autre des sous-maîtresses, hein, des institutrices qu'il y avait sur place. Et à partir de là, c'est très intéressant, parce que dans son manuscrit, Barbin utilise le féminin pour parler d'elle dans une première vie de femme, donc jusqu'à la relation amoureuse. Et à partir de là, comme si l'idée d'avoir une relation homosexuelle était absolument insupportable pour quelqu'un qui est extrêmement pieuse, c'est très important, et là il va changer, il va commencer à parler de lui au masculin. Et pourtant, ce qui va être question d'une réassignation de sexe, parce qu'à partir de cette relation amoureuse, on sent bien dans le texte que Barbin est complètement perdu, il sait bien qu'il peut pas continuer comme ça, que c'est pas possible, que physiologiquement, il a déjà eu une érection. C'est des choses. Il est considéré d'ailleurs par sa partenaire amoureuse comme un homme, et donc il va finir par aller demander l'aide de l'évêque de La Rochelle, qui est Monseigneur Landriot, un évêque plutôt progressiste, qui va le confier à son médecin personnel, qui va donc le diagnostiquer entre guillemets homme et qui va lui suggérer fortement de changer de sexe à l'état civil. Donc la réassignation se fait en fait très facilement. Et voilà Barbin qui voit aussi dans cette occasion la possibilité de changer de statut social. Parce que c'est ça aussi son importance, ça a été un petit peu négligé, mais ça a aussi son importance. Et il va partir avec une nouvelle identité d'homme, cette fois-ci, Abel. Il choisit le prénom d'Abel. Et il est envoyé, comme quand même ça fait beaucoup jaser, à La Rochelle et à Saint-Jean-d'Angély. Donc le préfet décide de l'envoyer en lui trouvant un poste comme employé de bureau, donc ce qui est une promotion sociale. Il faut se rappeler qu'institutrice, à l'époque, c'est... un état à peine supérieur à l'état domestique, hein. C'est vraiment extrêmement difficile, même si Barbin a eu son poste dans des conditions plutôt avantageuses. Et donc le voici employé de bureau à Paris. Le problème, c'est que Paris, c'est une grande ville et qu'il est bien, il a été muni d'argent et encore une fois, on lui a trouvé un travail. Mais il perd assez rapidement ce travail et là, c'est le début de la déchéance et c'est terrible. Et le manuscrit est d'abord et avant tout un grand cri de souffrance qu'en fait, Barbin est malheureux dans sa vie de femme et il est encore plus malheureux dans sa vie d'homme. Mais ce qui est très clair, c'est que il n'arrive pas en fait à performer au masculin, c'est-à-dire à se comporter comme un homme, alors que l'éducation justement des filles est radicalement différente que de l'éducation des garçons. Il est privé aussi de toutes ses attaches, et c'est extrêmement important. Il perd son lien avec sa mère, qui était un de ses soutiens, avec ses amis. Donc, il se retrouve là-bas et voilà, très rapidement, il va perdre son travail et il va connaître le chômage, la faim. Il y a des pages bouleversantes sur ce que c'est que d'avoir faim pour quelqu'un qui n'a pas un sou. Et il termine sa vie en se suicidant dans un taudis rue de l'école de médecine, là où il y a la statue de Danton, hein, parce que c'est une partie de la rue qui a été haussmannisée. Voilà. Et on trouve près de son cadavre ce manuscrit qu'un médecin va publier, hélas, d'une façon un petit peu partielle. Et on doit à Michel Foucault, dans les années 1970, d'avoir réédité, et évidemment avec l'autorité et le rayonnement intellectuel de Michel Foucault, d'assurer à ce texte une audience qui ne s'est jamais démentie, au contraire, jusqu'à aujourd'hui. Quand on écoute ce que vous nous racontez, Gabrielle Houbre, ce destin avec... tout l'attachement et la sensibilité qui est nécessaire pour comprendre ces souffrances, nous voyons bien que nous sommes loin du simple travestissement pour expliquer le changement de genre. Parce que pendant longtemps, Sylvie Stenberg, dans ces gens que nous avons évoqués, qu'il s'agisse de l'abbé de Choisy ou du chevalier Déon, c'est un jeu sur... il change de vêtements, il s'habille en femme. Mais on sent bien que cette histoire du genre, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fort d'ailleurs, eu égard à tout ce que vient de nous dire Gabrielle Houbre, avec un exemple, seulement un exemple. Oui, alors bon, en même temps, il y a une diversité de parcours, c'est-à-dire que le parcours que vient de décrire Gabrielle Houbre ou que j'ai décrit précédemment à travers l'affaire du Moret, enfin, ce sont des parcours particuliers. Le travestissement, il a d'autres fonctions aussi. Je parlais de fonctions érotiques, de jeu. Il peut être utilisé dans les milieux homosexuels masculins au XVIIIe siècle, donc on connaît beaucoup de choses grâce à la surveillance policière dont ils sont l'objet. Donc on ne peut pas, disons, faire un raccourci qui consisterait à dire que derrière chaque parcours de personne qui prend l'habit de l'autre sexe, hein, il y a des questions trans, en fait. Il y en a, bien sûr, et je pense qu'il faut que les sensibilités qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de ces questions nous aident absolument à comprendre. En même temps, on peut pas rabattre non plus le passé sur le présent, et il faut aussi tenir compte de la diversité et tenir compte surtout, je pense que c'est notre métier d'historienne et d'historien, surtout notre interrogation, ça n'est pas tellement de savoir s'il y a eu dans le passé. Il y a eu dans le passé, en effet, on peut le documenter à travers ces quelques cas, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir dans quel contexte social, dans quel contexte mental, dans quel contexte politique, avec quelle hiérarchie entre les sexes, avec quel type de tolérance ou d'intolérance. Voilà, je crois qu'on parle dans trois langues. On parle la langue de nos sources, on parle notre langue vernaculaire pour se faire comprendre, on parle aussi la langue des sciences sociales qui nous pousse à utiliser ce type d'explication. Hein. Mais il faut toujours qu'on parle dans les trois langues, en fait, et qu'on ne rabatte pas le passé sur le présent. Très joliment dit. Clovis Maillet. Oui, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Et simplement pour compléter, il me semble que c'est difficile, dans la petite heure qui nous a été accordée, de montrer un petit peu de la diversité qu'il peut y avoir dans le longtemps historique autour de ces questions-là. Je voulais juste peut-être terminer en disant que la bonne manière de voir les choses me semble être d'offrir en fait autant de diversité et de possibilités dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler les parcours transgenres que on en imagine dans les parcours cisgenres. Il y a de la diversité parmi les hommes, parmi les femmes et parmi des personnes qui peuvent soit passer d'un statut à l'autre, soit être pendant toute leur vie dans aucune de ces deux catégories. Et ce qui est effectivement passionnant, c'est de voir la manière dont on a pu habiter ces différentes manières d'être en fonction des contraintes sociales, géographiques, historiques, qui sont spécifiques à chacun des contextes que l'on a pu évoquer ensemble. Clovis Maillet, mais l'histoire nous permet justement de casser cette idée parfois imposée, répandue, que le genre est fixé à la naissance et qu'il ne bouge pas, il ne doit pas bouger pendant une existence. Et l'évocation de tous ces cas, qu'il s'agisse des saints et des saintes que vous avez étudiés et qu'il s'agisse d'autres cas que nous avons pu évoquer, c'est simplement dire ça aussi, c'est montrer que les genres, et je reprends le titre de votre ouvrage, sont fluides. Il me semble que, en tout cas, cette idée qui a parfois, et il me semble que c'était pas du tout le sens que voulait John Scott de dire que la différence entre sexe et genre, c'est qu'il y aurait un sexe qui serait un petit peu anhistorique et un genre qui serait historique, eh bien on l'a suffisamment démonté ensemble. Je pense que ces déconfigurations de sexe et de genre qui sont variables et variées, que l'on peut étudier précisément en fonction de chaque contexte documentaire. C'est pas les mêmes choses qu'on voit apparaître dans les sources littéraires, dans les sphères les plus élevées de la société, dans les couches les plus basses de la société, avec des gens qui ont aussi moins de privilèges, moins de stratégies sociales pour trouver comment se définir, comment faire leur parcours de vie. Et puis, dans la grande hagiographie que j'ai pu étudier par ailleurs, dans laquelle on raconte des figures exceptionnelles. Gabrielle Houbre. Oui, en fait, ce qui varie beaucoup, c'est l'outillage conceptuel pour les personnes, pour se penser dans leur identité. Par exemple, au XIXe siècle, c'est ainsi que je le vois après avoir beaucoup travaillé sur Barbin, ce qui lui a manqué, c'est de ne pas pouvoir se penser en dehors de la binarité des sexes, puisque déjà au XIXe siècle, les médecins insistaient énormément sur cette binarité, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, et rien d'autre, vraiment rien d'autre. Or, la souffrance de Barbin semble tenir quand même beaucoup au fait que, voilà, aujourd'hui, on dirait que certainement c'est quelqu'un qui est non-binaire. Oui, voilà, c'est parce qu'il a ce vocabulaire à utiliser et à manier. Sylvie Steinberg, avec prudence, on le sent bien parce que nous vivons dans ce moment où vous, historienne, historien, écrivez les ouvrages qui nécessitent de prendre en compte des réflexions qui n'étaient pas celles de ces gens du passé. Et c'est là où c'est très subtil, et j'ai envie de rajouter que pour beaucoup de nos contemporains, nos contemporaines, ce vocabulaire-là est difficile à manier. Transidentité, transgenre, sexe, genre, tout simplement. Non, mais bien sûr, mais ce sont des propositions qui ont été faites, notamment par la psychanalyse. On n'a pas parlé de quelqu'un qui a été très important dans l'élaboration même du terme de genre, qui est Robert Stoller. Hein. Puis qui sont ensuite transmis, y compris par les acteurs eux-mêmes, hein, et les actrices elles-mêmes, voilà, et qui font l'objet d'une réflexion intense, évolutive, Encore une fois, je pense que d'y réfléchir avec ce que Nicole Leroy appelait un anachronisme contrôlé, hein, est une chose qui est très éclairante, parce que en effet, on peut s'emparer de ces... alors d'abord, de ce qui se passe aujourd'hui, et puis ensuite de la façon dont c'est pensé pour penser autrement le passé, mais encore une fois, on est, en tant qu'historien et historienne, plutôt... disons, notre métier consiste surtout à penser ce que pensent les, enfin, à restituer ce que pensent les acteurs et les actrices, et puis les grands systèmes normatifs, les grands systèmes philosophiques, théologiques, juridiques, médicaux, hein, qui sont ceux de nos acteurs. Et puis, ce n'est pas simple quand tous ces sujets-là font polémique dans la société, d'où l'importance de tous ces travaux. Mais merci à tous les trois, Clovis Maillet, Les gens fluides de Jeanne d'Arc, parce qu'on l'a pas évoqué, on lui a juste fait un petit clin d'œil à Jeanne d'Arc, mais il y a beaucoup à dire. Au Saint-Trans, c'est publié chez Arquet. Merci Sylvie Stenberg. Vous avez dirigé une histoire des sexualités dans laquelle d'ailleurs vous avez livré une contribution Gabrielle Oubre. Sylvie Stenberg et la confusion des sexes, le travestissement de la Renaissance à la Révolution. Et merci également à vous, Gabrielle Oubre, avec les devis d'Abel Barbin, née Adélaïde Herculine. C'est une histoire qui va nous faire réfléchir toute la semaine, cette histoire de genre. Et pour le moment, l'aventure du cours de l'histoire continue avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment la Chine utilise l'histoire pour étendre sa zone d'influence ? Dans plusieurs de mes chroniques, j'ai montré comment les historiens avaient parfois été utilisés par les États nationaux pour justifier leur conquête territoriale. L'exemple le plus connu pour nous, Français, c'est bien sûr celui de l'annexion par l'Allemagne de l'Alsace-Moselle en 1871. Annexion qui déclencha une célèbre querelle des historiens des deux côtés du Rhin, dont l'enjeu politico-scientifique concernait la définition de la nation. Des arguments d'ordre historique ont été également mobilisés par la Russie pour justifier l'occupation d'une partie de l'Ukraine. Et c'est le même genre de rhétorique que mobilise aujourd'hui le pouvoir chinois afin d'étendre son contrôle sur les îles Spratly et les îles Paracel en mer de Chine méridionale. Ces archipels de petites îles coralliennes, longtemps inhabitées, sont devenus des enjeux diplomatiques de première importance entre la Chine et ses voisins, le Vietnam et les Philippines, car elles se situent sur la route maritime d'un tiers du trafic mondial. Et aussi parce qu'on a découvert dans cette zone du pétrole et du gaz. C'est ce qui a incité les autorités chinoises à revendiquer leur souveraineté sur ces îles en exhumant des manuscrits, des poteries et des monnaies censées prouver qu'elles relèvent du territoire chinois depuis près de 2 millénaires. Pour légitimer leurs prétentions, la Chine privilégie aujourd'hui un vieux document qu'on appelle le Ganglubu, pardon pour la prononciation. Il s'agit d'un guide de navigation concernant la mer de Chine méridionale, rédigé par des pêcheurs chinois vers le XIVe siècle et qui a été transmis de génération en génération. Ce document énumère les îles et récifs ainsi que leurs emplacements. Il mentionne les lignes de navigation et les lieux de pêche. On y trouve aussi des informations sur l'histoire de cette mer et sur les technologies de construction de bateaux. En 2016, les autorités chinoises ont inauguré un centre de recherche regroupant une vingtaine de membres dont la principale fonction consiste à étudier ce document. Le directeur de l'Institut chinois des affaires maritimes a justifié cet investissement en disant que le Ganglubu était une encyclopédie de la mer de Chine méridionale. Mais il n'a pas caché que le but était aussi politique, puisqu'il a affirmé que ce document était une preuve du fait que les îles en mer de Chine méridionale font partie intégrante du territoire chinois. Cette affirmation a été contestée par les historiens vietnamiens, qui affirment pour leur part que les îles Paracel et Spratly ont été découvertes, puis prise en charge du XVIe au XIXe siècle par la dynastie des Nguyen. les Chinois ont rejeté cet argument en affirmant qu'à l'époque, l'Annam était un État tributaire de la Chine. Les Philippines ont également contesté les prétentions chinoises en saisissant dès 2013 la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, aux Pays-Bas. Celle-ci a conclu que la Chine n'avait pas de raison valable de prendre pied sur les îlots de l'archipel des Spratleys. Ce qui ne l'a pas empêché de poldériser ces bancs de sable, puis d'y construire des pistes d'atterrissage et des bases navales. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon à la Maison de la Radio et Cyril Delemer à la Tour TV de Genève pour la RTS, la radio-télévision suisse. Émission préparée par Tom Hundeschunk, Jeanne Delecroix, Antostkan Viudes, Jeanne Copé, Gillian Tilly et Maïwenn Guizhou à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.